cherche à l'amour. Alors qu'est-ce que tu voulais nous raconter? Non, mais je voulais juste dire que l'étude qualitative, elle était assez intéressante. Pourquoi? Parce que elle parlait, enfin Nadeau plutôt. C'est qui Nadeau? Nadeau, c'est le directeur scientifique des études qualitatives, donc de la SOFRES. Et l'idée, c'était justement de dire que les personnes, enfin que ce fameux électorat potentiel, ouais, avait un lien avec le parti qui est un lien affectif. Finalement, toujours un petit peu dans le regret d'un parti mythique. Non. Pastel, mais mythique. Et notamment, ce qui m'intéressait drôlement, c'était... C'était là. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant, ça. Récemment, mais c'est intéressant, parce que voilà, ils ont le sentiment que le PC s'est intellectuellement appauvri, qu'il n'a plus autour de lui des gens qui ont une parole forte, qui développent une pensée, produisent des idées nouvelles. Donc, tout ce qui peut rapprocher le PC de la société civile en général, et des intellectuels en particulier, ne peut que valoriser le vote communiste. C'est logique. On retrouve la même thématique à propos de Robert Hue. Non, c'est pas un intellectuel, mais il est très... il permet de développer ce lien affectif. Parce que justement, il a un bonhomme, à mon avis. Et il est tout à fait un peu le patriarche de la famille. Et oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est que ces gens perçoivent le parti comme une famille. Ouais. Et ils ont déjà voté communiste, ces gens, on sait rien. Certains ont déjà voté communiste, mais sont arrêtés dans les années 60, pour le plus âgé. Certains n'ont jamais voté communiste. D'autres ont voté communiste jusque dans les années 70. En fait, tout dépend un petit peu de leur âge. Et il y a même des personnes qui ont voté Chirac comme vote de changement. Et qui sont... c'est dans les jeunes, ça. En fait, qui n'avaient pas connu... qui n'ont pas connu, soi-disant, autre chose que Mitterrand. Bien qu'à mon avis, quand on a un tant soit peu de culture politique, on a forcément connu autre chose que les décennies qui viennent de s'écouler. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que c'est parce qu'on avait connu que les années de droite qu'on a voté à gauche, quand même. Enfin bon. Ouais, et... non, mais ce qui est intéressant, c'est quand même cette idée qu'il faut des intellectuels au parti et des personnalités fortes qui gravitent autour du parti. Non, ça te semble pas intéressant. Bah si, oui, mais certes. Mais certes, oui, ça me semble pas idiot, mais... en gros, c'est pas faux. Mais c'est un peu tautologique, quoi. Pourquoi c'est un peu tautologique? C'est un peu tautologique. Alors que je suis en train de te montrer ta place potentielle. C'est un peu tautologique, parce qu'en gros, ça veut dire le Parti communiste serait plus fort si comme Parti communiste était plus fort. Oui, mais attends, le parti peut très bien promouvoir quelques figures d'intellectuels et les lancer aussi comme figures intellectuelles. Ah, mais il faut encore aller trouver des gens qui veulent bien jouer le rôle et qui en aient la carrure. Bien sûr qu'il faut trouver des personnes qui en ont la carrure, mais moi, on me propose le poste, ça me dérange pas. Hein. Être intellectuel au parti, pourquoi? Si ouais, être... Non, mais... Non, mais le problème, c'est être intellectuel, promouvoir maintenant, c'est-à-dire trouver des gens qui sont à la phase d'intérêt, qui sont prêts à avoir une présence médiatique forte, etc. Ouais. Qui se tapent les émissions, qu'on invite sur les plateaux. Mais tu crois pas qu'on pourrait rencontrer des gens qui auraient une vocation, par exemple, à la philosophie, une vocation littéraire, qui pourrait profiter de ce tremplin pour se faire connaître? Moi, je suis sûr qu'il y a des tas de thésards qui sont prêts à prendre le... Oui, mais attends, ça se passe pas comme ça, hein. Je veux dire, le parti, il claque pas des doigts, on n'invite pas les gens à la télé. Hein. Donc, bien sûr. Et alors? Mais par exemple, il reproche que dans l'humanité, Il n'y a pas d'interview de personnalité qui aurait un charisme quelconque. Faux. C'est des gens qui lisent pas l'humanité. C'est toujours le problème avec les enquêtes sur les... mais c'est toujours l'enquête. C'est toujours le problème, c'est la première qui a été fait. Non, mais c'est toujours le problème quand tu discutes avec les gens. Finalement, ils te reprochent des tas de choses au parti, mais ils sont totalement dans l'ignorance de ce qui se passe. Ils vont critiquer l'humanité, ils n'ont jamais lu l'humanité depuis 10 ans. Tu vois, mais est-ce que quand tu as ouvert la dernière fois l'humanité, ils s'en souviennent plus, tellement c'est vieux. L'humanité, tu le prends, il y a des tas de gens intéressants. Regarde, tu vas dans Regard, regarde toutes ces personnalités qui interviennent dans Regard, dans la presse communiste. Des gens forts, des intellectuels reconnus qui sont pas spécialement estampillés PC, mais qui effectivement interviennent et parlent. Après, c'est la presse communiste est partie à invitation des tas de gens. Combien de ces personnes savent que par exemple très régulièrement le PC à travers enfin l'ex-IRM et maintenant Espace Marx organise des débats et ça va être tous les 15 jours, peut-être toutes les 3 semaines à la mutualité avec des tas d'invités, sur des tas de thèmes, des personnalités intellectuelles, des personnalités fortes. Aucun de ces mains, je sais. Ah, je dis le PC le fait pas, mais le PC le fait, mais eux ne le savent pas trop. Oui bien sûr, mais encore une fois, ils se réfèrent à un parti mythique, et c'est comme ça qu'a débuté mon intérêt, où effectivement la figure d'Aragon était plus importante que la figure de je ne sais quelle personne dont je me souviens moi-même même pas du nom, quoi. Peut-être, mais enfin bon, il y avait le problème, c'est qu'il n'y a plus... On a besoin de poètes. On a peut-être besoin de poètes, mais le problème, c'est qui écoute encore les poètes, hein. Ouais, c'est ça, qui écoute encore les et poètes. Et l'électorat potentiel. Mais non, c'est faux. Je suis sûr que ces gens-là, dès qu'il est question de poésie, ils zappent, ils coupent, ou ils disent pas. Ils ont des airs complètement contradictoires. Enfin, contradictoires, c'est-à-dire qu'ils font des reproches, mais au fond, c'est des pseudo-reproches qui arrivent à mon sens comme des excuses fabriquées de toutes pièces. Je suis pas d'accord. C'est toujours le problème. Je suis pas d'accord parce que je crois que tu dénatures en fait ce qu'est une étude qualitative dans ce cas-là. Et que dans au sein d'une étude qualitative, non, mais c'est quelque ce que chose ce que je veux dire, non mais le problème est peut-être mais ce que oui, mais à mon avis, et c'est peut-être là où dans le cas par exemple pour un parti politique, une étude qualitative peut avoir une limite, c'est que précisément à un moment, ce que disent les gens pour sur le parti est déjà totalement préformaté. Et ce que je veux dire, c'est que ça, ce genre de propos, c'est des propos que j'ai déjà entendus des dizaines de fois. Où sont vos intellectuels? Ouais, où sont vos intellectuels? Vous faites plus ci, vous faites plus ça, j'ai dit ça, oui. Alors quand tu leur dis mais si, mais on le fait. Ah oui, mais c'est pas pareil. Et qu'est-ce qui est pas pareil? Ah oui, c'est clair, la mutualité, il n'y a plus Aragon, il est mort enterré. D'accord, mais regarde, prends la fête de l'humanité. Ouais. La fête de l'humanité, je me souviens quand même, enfant, à la Cité du Livre, où il y avait une espèce d'effervescence qui n'était pas seulement une effervescence autour d'Aragon. À un moment, il faut aussi mettre les gens en valeur. Maintenant que tu arrives à la Cité du Livre, tu as l'impression d'arriver dans une foire... commercial. C'est peut-être ça aussi dont on pas envie les gens quand ils pensent au Parti communiste. Hein. Quand tu penses qu'ils invitent cette espèce d'abruti de Pénac qui doit conchier à la gueule des communistes à chaque fois qu'il ouvre la bouche et qu'on vend son t-shirt, à un moment, si c'est ça les gens qu'on nous montre, autant qu'on les laisse à l'entrée de la fête. Hein. Après, il n'y a plus personne, c'est encore une fois, c'est contradictoire. Ils sont où les écrivains communistes? Mais ils sont là, on en a deux là. Non, mais ils sont où les écrivains communistes? Je te dis qu'il y en a déjà deux. Ouais, mais enfin pour l'instant, ils sont peut-être écrivains, mais ils n'ont pas les livres, quoi. Ouais, mais ils sont déjà communistes. Ils sont déjà communistes, il n'y a pas les livres non plus, quoi, c'est le problème. À un moment, si tu exposes que les écrivains sans œuvre. Mais si le parti paie. Ah, bah si le parti paie, il risque pas de payer, parce que de manière, les étudiants du parti ont fait faillite. D'accord, mais s'ils nous paient pour écrire? Bah, le parti, il ne payera pas pour écrire, il sort d'où le fric? De ce potentiel électorat. C'est ça, qui ont lancé des livres. C'est quand même étonnant, c'est que ce même électorat, il achète tellement les livres du parti que les éditions du parti ont fait faillite, quoi. Mais T'as vu ce qu'ils publiaient? Ah non, mais ils publiaient des tas de choses vachement bonnes. Les éditions de Messidor, sociales et tout, et la littérature étrangère intéressante, des éditions françaises, des tas d'auteurs qui étaient très bons auteurs. D'accord. Et des études historiques, des études régionales, enfin il y avait tout, vraiment c'était très diversifié, les éditions Messidor, les éditions sociales. Mais n'empêche que les gens n'achètent pas les bouquins. Ça les fait chier, non, c'est toujours pareil, oui, c'est bien, c'est... Ah ben, moi j'aime bien, par exemple, les livres d'histoire régionale, d'histoire locale et tout. Ah ouais, tu parles, que les gens arrivent à ça en librairie, ah ouais, tiens, ça fait bien, puis ils n'achètent jamais le bouquin. Ça les fait fondamentalement chier quand même, quand même de raconter l'histoire de clocher. Ok. Il y a quelque chose comme d'autre qui, moi, qui me semble intéressant, bien que je pense que la place des intellectuels au parti, etc., est quelque chose de tout à fait intéressant, quoique... Mais non, mais c'est, moi, je dis pas que c'est pas intéressant. Le problème, je dis que c'est tautologique. En gros, ils attendent, c'est toujours pareil, ils attendent que le PC soit fort pour soi-disant, ne serait-ce que voter pour le PC. Et le problème, c'est que tant que eux ne votent pas, le PC n'est pas fort, c'est un cercle vicieux. Et ce qu'il y a, c'est que quand le PC sera fort, la majorité de ces personnes qui disent que si le PC était fort, il réunissait toutes les conditions, c'est toujours pareil. Si, même si le PC... Regarde, le PC de la critique, on fait tout le temps on fait toujours tous leurs proches aux parties contradictoires, les plus contradictoires qu'ils fassent. De toute manière, quoi qu'ils fassent, c'est mal. Non mais vrai. Moi je crois que c'est pas ça touche pas cette population. Ça touche tout le monde. Pour moi ça touche. Il y a des gens qui n'ont pas voté PC, qui à un moment votent PC aussi, quoi. On vote PC, oui. Oui, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive. Et eux, ils sont comme définis comme des potentiels. Oui, c'est des potentiels, mais je dis que moi c'est des potentiels qui s'actualiseront quasiment jamais. Je le sais. Je le sais parce que c'est la relation que les gens ont au parti depuis que les partis existent. C'est tout, c'est pas. Enfin, un jour il a fait quand même plus de 10%. Un jour il a fait plus de 10%, oui. Même plus de 8%. Oui, il a fait plus de 8%. Effectivement. Voilà, si tu penses que le parti ne peut faire que 8% quand tout va bien, et que de toute façon l'électorat potentiel a toujours quelque chose à reprocher au parti. Je vois pas comment tu comptes mener la lutte, hein. Parti, là, il a recueilli le plus de suffrages au moment où il a été plus terrible. Paradoxal. Mais là, ça veut pas dire qu'il n'est pas... Ouais, qu'on ne veut pas le plus terrible. Non, mais c'est-à-dire qu'il a eu le maximum de pourcentage au moment où il était le plus stalinien. Le monde ne savait pas encore. Hein? Non, mais... On ne savait pas encore. Oui, on ne savait pas encore. Enfin, on commençait sacrément à se dire, en dehors du parti, peut-être qu'au parti, on ne savait pas encore, mais à côté... C'est pas tout à fait juste ce que tu dis, parce que le plus fort pourcentage du parti, c'est après-guerre. Bah c'est après-guerre, oui, c'est après-guerre et jusque dans fin des années 50. Bah, l'histoire était glorieuse quand même pendant la guerre. Oui, l'histoire était glorieuse pendant la guerre, mais enfin, justement, après-guerre et jusqu'à la fin des années 60, et même plus tard, en tous les cas, c'était... Fin des années 60 Non, fin des années 50, oui, mais jusqu'à la fin, finalement, fin des années 60, le parti était archi-stalinien, quoi. Mais en tous les cas, la période où il a ramassé le plus de suffrages en termes électoraux, ce moment était archi-stalinien. C'était au moment de la crise, de la grande crise au 20e congrès, la crise sino-soviétique, l'épisode de la Yougoslavie, où on excluait à tour de bras, et où dès qu'il sortait du parti, t'étais traité comme un chien, pire que de la merde. Tout ça, tu avais osé dire qu'à un moment, les Russes n'avaient peut-être pas grand-chose à foutre à Budapest. Oui, enfin, 56, c'est quand même aussi le déclin du parti, là. Il y a plein de gens qui s'en vont, bah oui. 56, c'est... Justement, bah, après rapport Khrouchtchev, il y a aussi des personnes qui sont parties, bah oui. En 53, donc là, on n'est pas tellement dans la fin des années 60. Attends, j'ai dit fin des années 50, et après, jusqu'à fin, j'ai dit qu'il avait été hyper stable jusqu'à la fin des années 60. Mais là, là où il a ramassé le maximum de suffrages, c'est quand même pas la fin des années 60. Hein. Oui, mais c'est la période après-guerre jusqu'en 56. Ouais, fin des années 50 au début, j'ai dit. Oui, effectivement, mais c'est quand même là qui a ramassé, c'est quand même là qui était le plus stalinien. Mais c'est aussi à ce moment-là que son passé était plus proche et plus glorieux. Bon, et alors, il faut faire une guerre et après on fait un parti stalinien pour espérer avoir 23% des... faire 23% aux élections. Non, je suis pas certaine que les gens aient voté pour un parti stalinien. En se disant, chouette, ils sont en train d'exclure... des gens, ça montre... Non, mais à un moment, non, mais je sais pas pourquoi on votait les gens. Moi, je constate simplement que leur, si tu me parles d'un parti mythique, et si tu me dis que ces gens-là, qui potentiellement pourraient voter pour le parti, à un moment ont voté pour le parti, bah, quand ils ont voté pour le parti, c'est quand le parti était le plus stalinien. Bah, ça, je me pose quand même des questions. Oui, mais ils ont arrêté de voter pour les plus âgés, justement, quand le parti... Quand on a commencé à s'apercevoir que Staline n'était pas forcément le petit père des peuples adoré et parfait, et que les troupes soviétiques, effectivement, entraient à Budapest, on ne sait pas bien pourquoi, etc. D'accord, mais alors les autres... C'est aussi de là dont on date cette érosion. Ceux qui ont voté dans les années 70... Regarde, écoute ce que tu dis aussi. Tu me dis, oui, le parti, il n'attire plus les intellectuels, il n'attire plus ceci, etc. Mais il attirait les intellectuels, etc. Il avait une présence forte, etc. Mais au moment où il était hyper stalinien. Alors quoi? Alors maintenant, les jeunes qui ne votent pas pour le parti, et justement qui n'ont pas voté, qui n'ont jamais voté pour le parti, qui n'ont pas cessé de voter pour le parti, qui ne sont pas partis du parti, qui ne l'ont pas quitté, qui n'ont pas été exclus. Alors, c'est quoi ce parti mythique? À un moment, ce parti mythique, c'est quoi? C'est le parti stalinien. Alors, on a arrêté d'aller là. Non, mais attends. Le mythe, il ne se construit pas forcément avec ta pensée à toi, avec l'histoire réelle du Parti communiste. Mais l'histoire réelle du Parti communiste. Quand il y a une référence à un parti mythique, c'est peut-être effectivement un parti famille, proche de la classe ouvrière, sur tous les fronts, grande gueule, etc., etc. Contre vraiment les patrons, on ne serre pas la main à un patron, etc. Maintenant, effectivement, le parti... Le parti n'est plus tout à fait celui-ci. Non, mais surtout pour être comme tu le décris, ce parti mythique, c'est justement le parti tel qu'il était au moins était stalinien. Pour qu'il soit comme ça, il faut effectivement que ce soit un parti qui soit stalinien. Parce que c'est des attitudes staliniennes. Quoi, pas serrer la main au patron, c'est une attitude stalinienne. Tout à fait. Tout à fait. Ne pas aller dans une église, c'est une attitude stalinienne. Tout à fait. Bon, non, je suis pas tout d'accord avec toi. Brûler les églises, c'est une attitude stalinienne. Refuser soi d'aller dans une église, c'est pas une attitude stalinienne. Brûler les églises, c'est une attitude anarchiste. Oui, bien Staline, il en a brûlé quelques-unes aussi. Les anarchistes en Espagne aussi. Bon, et alors? C'est non, pas n'importe quoi. Mais ils font rire, ces gens. Mais ils font rire, ils font rire. Mais ils font rire. Non, mais tu as pas lu et tu t'énerves sur trois phrases que je viens de lire. Et parce que les trois phrases, je reconstitue tout le reste. Je reconstitue tout le reste. Mais tu reconstitues rien du tout. Tu reconstitues des espèces de chaînes qui t'appartiennent. Non, mais qui m'appartiennent pas du tout. Je veux dire, à un moment, c'est tout le problème. Au parti, on lui reproche tout, et on a toujours de bonnes raisons de nier. Mais toi aussi, tu lui reproches tout. Mais je n'arrête pas de lui reprocher des choses. Mais tu as droit parce que tu es communiste. Voilà, j'ai franchi. C'est toujours la même idée, ça. Mais oui, mais tout à fait, parce que moi, j'ai franchi le pas d'être adhérent et de voter pour le parti. Oui. Et alors ces gens, ils ont qu'un seul droit, c'est fermer leur gueule et ne pas parler sur le parti. Non, ils peuvent le dire. Ils sont pas adhérents. Ils peuvent le dire, mais en tous les cas, je serai jamais... Merci pour l'ouverture. Non, mais ils peuvent le dire, tout à fait. Mais moi, je ne prendrai jamais au sérieux ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le parti, il serait parfait, conformément à leurs désirs, ils ne voteraient pas plus pour le Parti communiste. Ils trouveraient encore autre chose. Mais mais je crois que c'est faux. Je crois que tu peux pas, tu ne peux pas enfermer la totalité de ces personnes dans cette idée-là. Je reste convaincue qu'il y a des individus au sein de ces différentes tendances qui ont été distinguées qui peuvent, à court terme, être amenés à voter pour le parti. Ouais, pour des élections locales, municipales, voire pour des législatives d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, mais c'est pas faux. Et alors, à un moment, c'est ce qu'on demande. S'il y avait 0,14% des habitants du 14e qui pouvaient voter tout d'un coup, eh bien Maurice, il serait au conseil municipal ou je ne sais où. Hein. Oui. Peut-être qu'on pourrait récupérer quelques voix, effectivement. Mais à quel prix? À quel prix? Non, mais à quel prix? À quel prix? Tu n'as pas lu l'article? Non. Non, j'ai pas lu l'article. Il nous avait prévenu, prof Cabane, que les communistes allaient être hérités. Hein. Par exemple, il a mais non senti, hein. Je suis pas hérité. Je suis pas hérité. Enfin, il y a comme des individus qui un jour votent communiste et qui deviennent communistes alors que rien les dirigeait vers ça. Hein. Ah, ça, j'en doute un peu. Bah écoute, moi j'ai aucune raison d'être communiste. Moi, ouais, c'est ça. Mais oui, non, j'ai aucune raison d'être communiste, Franck. C'est ça. Écoute, on va faire une étude quand on va revenir en France avec les gens qui ont grandi autour de moi et on va voir qui va être communiste, qui vote encore socialiste et qui a voté Chirac aux dernières élections et qui a voté Balladur l'élection précédente. Est-ce que sont devenus les gens? Est-ce qu'ils voteront demain? N'est pas déterminant pour ton histoire et ton enfance. Hein. Hier, à la fête de l'Humain, tes parents t'y ont amené à la fête de l'Humain. Ton père, il a parlé à la fête de l'Humain. Hein, il y a Georges Marchais qui est venu bouffer chez toi. Oui, mais enfin ma soeur, elle n'est pas communiste. D'accord, ta soeur, elle n'est pas communiste. Mais ça veut pas, c'est pas une raison, ça veut pas dire que c'est mécanique et que c'est nécessaire. Mais quand tu me dis, il n'y a aucune raison. Pour que je devienne communiste, excuse-moi, on pourrait quand même repérer quelques-unes qui au moins t'ont sensibilisé. Dans ces personnes-là, il y a aussi des gens qui ont eu des parents communistes, qui ont eu des amis communistes, qui ont grandi dans la pluie, dans la boue des différentes fêtes de l'humanité, qui se sont étalés la gueule dans les flaques de boue, qui s'en souviennent, et pour lesquels ça constitue de très bons souvenirs, qui pourraient au moins voter communiste. Ils ne veulent pas voter communiste. Oui. Et s'ils ne veulent pas voter communiste, c'est aussi peut-être parce que le parti fait des choses étonnantes. Quoi? Par exemple, une chose dont on a parlé hier, et si tu ne me l'accordes pas, c'était d'une mauvaise foi absolument absolue, c'est l'attente express de ces électeurs à l'égard du PC n'est pas qu'ils se substituent aux associations. C'est une question du bas. Mais qu'il souffre sur les problèmes actuels de la société en dépassant ce qui est perçu comme une défense exclusive de la classe ouvrière, en s'occupant des problèmes des chômeurs, des salariés précaires, des sans-logis, des exclus, des malades du sida. Bref, qu'il soit présent en tant que parti politique en nouant des liens concrets avec les associations. Ouais, mais ça pose le problème, et t'étais beaucoup moins, tu faisais preuve de beaucoup moins d'énervement hier, quand effectivement, tu mettais en lumière le fait que le parti, on ne savait pas à qui le parti s'adressait actuellement. Effectivement, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte les chômeurs? Pourquoi le parti n'a pas un langage ou un discours, ne serait-ce qu'un mot, qui inclut les chômeurs dans sa cible? Non, est-ce qu'un mot chômeur, faut pas exagérer. À ceux qui ont des situations précaires, aux chômeurs, et c'est vrai. C'est vrai que dans son rapport, Robert Rue, effectivement, on ne sait pas trop à qui il s'adresse. Dans l'ensemble, le parti, il a quand même un discours qui s'adresse quand même à toutes ces différentes personnes. Mais le problème, c'est qu'il faut se les taper, ces gros cons qui travaillent dans des associations aussi. Et dire, mais à un moment, ils veulent tout. Non, mais, c'est cette espèce de gros connard. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, c'est ça, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que le parti casque. Oui, soutenez-nous. Soutenez-nous, mais t'as jamais le droit de dire le mot, et que de toute manière, ces mêmes gens, effectivement, de toute manière, ils te chient à la gueule en permanence. Putain, maman, faut pas être masochiste non plus. Attends, c'est pas les associations qui disent on veut que le parti travaille avec nous, hein. Ah non, mais oui. C'est les électeurs potentiels. Ouais. Et justement, mais le... Qui estiment peut-être non, mais que... Mais ils ont raison. Mais le parti aussi, ils estiment, ils demandent des choses impossibles. Mais c'est pas le fait du parti, c'est le fait des associations. Aussi. Et mais à un moment, ils veulent pas le voir. À un moment, je veux dire, le parti, c'est donné du mal pour travailler avec les associations, et alors avec aussi un esprit d'ouverture ces dix dernières années, je veux dire, impeccable, ouais, on la ramène pas, bien sûr, oui, bon, d'accord, ouais, on n'est pas d'accord, on peut essayer d'avancer sur des points très concrets et tout, mais ceux qui chient à la gueule, c'est pas le parti, c'est les assos, c'est tous ces connards des mecs qui travaillent dans des associations qui chient à la gueule du parti. Et qui t'a bah, disons-le. Mais disons-le aux électeurs potentiels. Bah, c'est ça, on va passer notre temps à dire un tel est vraiment un gros con, ils veulent pas, etc. Dites-le, on n'a que ça à faire de dire et de dénoncer quoi. Et puis alors quoi, on se met tout le monde à dos. Non mais parce qu'à un moment c'est aussi ça. Pour qu'on satisfaire le fantasme de quelques potentiels électeurs, on se met tout le monde à dos. C'est ça aussi, il faut être cohérent. Ah c'est ça, on peut être là, ouais, c'est là, nous on est purs, et après on va nous reprocher, ouais, bien sûr, le Parti communiste, vous êtes les purs, vous êtes les meilleurs, et tous les autres c'est des gros cons, etc. Ah ouais, bah ça, on a eu cette attitude, le Parti a eu cette attitude. Bon, en gros, cette attitude qualitative, tu la trouves complètement... Mais non, c'est pas l'étude qualitative que je trouve, c'est les gens. L'attitude qualitative, elle n'existe que parce que des gens sont exprimés sur la question. Oui, mais c'est ce que disent les gens, c'est toujours le même cinéma. C'est pas l'étude qualitative en soi. Bon, alors tu crois qu'elle a rien apporté? Ben, je ne sais pas si elle a apporté. Non, mais le problème, c'est que si lors de l'étude, les gens n'ont dit que ça, alors dans ces cas-là, l'étude a été mal faite. Parce que là, on n'a pas dépassé, en résumé, on n'a pas dépassé le stade idéologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé l'inconscient. Ah bah attends, elle n'a pas été demandée à Saint-Citien, l'étude qualitative. Elle a été demandée à la souffrance. Bah alors, je ne crois pas qu'ils ont une analyse psychodynamique des résultats basée sur le schéma adlérien, quoi. Peut-être. Oui, mais alors moi, je crois que c'était ça. Et en ce sens, c'était beaucoup plus intéressant parce que justement, la méthode que toi tu utilises me semblait permettre justement de dépasser les constructions rationalisées des gens. S'ils n'ont pas, si une étude qualitative s'est faite au niveau des constructions rationalisées des gens, elle n'apportera rien. Ce genre de discours, on le sait, mais on le sait depuis longtemps. On l'entend, non mais la moindre expérience de militant te donne ce genre d'informations, mais alors, pas non plus finir. Sans blaguer. Et moi, quand je dis que de toute manière, c'est d'expérience, le parti pourrait... Mais souviens-toi, mais écoute Arnaud. Oui, ce qui est intéressant au-delà de ça, et là, il ne faut peut-être pas condamner immédiatement la manière dont a été réalisée l'étude, c'est qu'elle met peut-être en avant des cohérences de comportement. Et si elle montre des cohérences de comportement, elle montre aussi, d'une certaine manière, ce qui n'a pas été dit, et ce qui ne s'exprime pas dans ses comportements, tels qu'on nous les traduit ici. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nado, je ne lui connais pas une appartenance au parti, par exemple. Alors, je ne dis pas que pour avoir mené l'étude, il fallait être au Parti communiste, certainement pas. Et qu'à un moment, effectivement, il fallait se risquer à des analyses un peu plus aventureuses, peut-être, que la simple... La simple narration de ce qu'il avait entendu avait été entendue. Ah oui. C'est clair que s'il n'y a pas une analyse et une interprétation des données, et surtout une interprétation des données, l'étude ne sert à rien. Moi je dis, ce niveau-là, on l'a. On l'a en permanence. et dans sa diversité. Mais c'est, moi, c'est ce que j'appelle c'est le niveau idéologique. Et si tu essayes de satisfaire ces personnes, de satisfaire les exigences de ces personnes, exigences exprimées au niveau idéologique, moi je te dis que jamais, jamais, jamais ça te donnera un résultat quelconque. C'est la rationalisation d'un interdit, ça. Ces gens-là vont refaire des reproches et des reproches au parti en permanence, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, parce qu'ils ont intériorisé l'interdit de voter communiste. Et qui rationaliseront sous forme de reproches cet interdit. Oh, mais ça, on en a déjà discuté longtemps, ça. C'est un interdit idéologique, mais qui est véhiculé en permanence. C'est la publicité, tu vois la bagnole, vote communiste, t'as plus le droit à la voiture, tu l'auras jamais, elle coûte 30 bâtons la bagnole, c'est clair. Mais bon, la pub te la donne potentiellement. Tu votes communiste, tu te supprimes cette potentialité. Vous n'êtes pas communiste. Vous êtes fou, vous allez vous supprimer la possibilité d'acheter une bagnole qui vaut 30 bâtons, qui est sublime, qui brille de tous ses chromes, regardez-la. Allez à vous. Bossez pendant 347 ans, vous économisez tous vos salaires et vous pouvez vous acheter votre bagnole. Hein, vous pouvez manger pendant 347 ans, ou bien vous l'achetez maintenant, et puis vos arrière-petits-enfants finiront de la payer pour peut-être l'utiliser. Si vous votez communiste, jamais vous l'aurez cette voiture. Hein. Moi je vous le dis, le communisme, vous allez rouler dans les Brabants. Hein? Vous allez rouler dans des Brabants, des voitures de choix, des voitures à des moteurs à deux temps dans lesquelles il faut mettre de l'huile de ricin pour que ça tourne. Puis en plus ça pue, ça fait du bruit, ça avance à 30 à l'heure. Achetez-vous un vélo, vous allez le payer. Pourquoi tu te marres comme une baleine? Non, c'est le 347. Ouais. Je suis déçu si c'est à ce niveau-là l'étude, je suis déçu. Moi, je pense que ça ne peut pas apporter grand-chose à ce niveau-là. Il faut les ruser, les gens, pour les faire parler. Il faut les ruser, si tu es d'attaque de front. Qu'est-ce qu'ils se ressortent? Ce qu'ils disent quand tu les crois dans la rue. Je pourrais peut-être essayer de leur vendre cette idée. Ouais, tu pourrais. Je cherche à voir. Suite à votre étude qualitative, je m'aperçois que vous n'avez pas utilisé la bonne méthodologie. Ouais. Syndia, un bureau d'études de marché situé à Bruxelles, vous apporte l'inconscient de votre électorat potentiel. Non, mais c'est clair. Après le conscient, vous allez avoir l'inconscient. Je crois que cette étude est indispensable à la préparation du 29e congrès. 1. Dans cette étude, nous apercevrons que Robert Rue est un gros con. Georges Marchais n'était pas suffisamment beau. Autre exemple. Regarde le nom que je chante. Marc est attendu à la direction du parti. Autre exemple. Regarde le nombre de gens, mais toi tu t'en souviens peut-être pas parce que t'as fait moins attention, qui te disait « Oh, moi, on est le parti communiste. » qui disait preuve du Parti communiste et tout. Oh, mais moi, je suis parti du Parti communiste, et tant que Georges Marchais a raison du Parti communiste, jamais, je retournerai au Parti communiste. Mais le jour où il s'en va, ouais, c'est pas probable que je retourne au Parti communiste. Tu crois au monde, depuis que Robert Rue est à la tête du parti, il y a beaucoup de gens qui sont retournés au Parti communiste, de tous ces gens-là? Moi, j'ai dit qu'il n'y en a aucun. Oui, il faut savoir si le départ de Georges Marchais aussi a contribué à des adhésions. Mais oui, c'était ce souhait-là, c'était Georges Marchais qui fallait qu'il parte, et puis il y avait l'autre souhait, mais tu pourrais remplir tous les souhaits, même tous en même temps, ils y retourneraient pas au parti communiste, ces gens. Mais retourner, bon, en général, on sait très bien quand on quitte le parti, c'est pas pour y retourner. Retourner, mais alors si tu prends l'exemple de ceux qui disent oui, mais alors il faudrait que le parti change, etc., qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela, effectivement, que d'autres personnes disparaissent, etc. Qu'on remplace des personnes. Tu remplaces une personne, tu changes. Est-ce que tu crois que les gens sont toujours partis? Ils n'iront pas pour partir. Regarde le temps que tu as mis toi pour adhérer au Parti communiste. Pourquoi tu as mis tant de temps pour adhérer au Parti communiste? Réfléchis sur quoi. Pourquoi tu as mis tant de temps pour adhérer au Parti communiste? Parce que comme les autres, j'étais victime de l'interdiction d'aller au Parti communiste. Est-ce qu'au moment où tu as adhéré au Parti communiste, tu l'as fait parce qu'il y avait des changements notables au Parti communiste ? Non, il n'y a pas eu de changement notable au sein du Parti communiste, mais pour moi, il y a eu un changement notable dans ce que les gouvernements étaient en train de faire de la France, oui. D'accord, c'est pas le Parti communiste, et pourtant, si tu t'écoutais, si tu te souviens de ce que tu pouvais te dire pour ne pas le Parti communiste, peut-être si tu élimines les éléments qui étaient plus subjectifs, liés à notre relation, etc., à un moment, et ben tu t'aperçois peut-être que tu formules des souhaits qui ne sont pas remplis aujourd'hui dans le Parti communiste, et qui pourtant, maintenant, t'interdisent plus d'adhérer au Parti communiste. J'ai l'impression que pour certains électeurs potentiels, finalement, on leur demande pas d'être militants. Hein, donc c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose, oui. Mais finalement, si l'étude qualitative peut-être avait été menée de manière un peu plus intelligente, on serait aperçu que cette référence à un parti mythique, effectivement, était en soi l'une des interdictions de voter communiste. Aussi bizarrement que ça puisse paraître. Oui, bon, je comprends tout à fait, oui. Au sens où, je crois qu'effectivement, tout le délire un peu affectif qu'il peut y avoir autour de ce parti fait que, de manière très positive, on voit ça comme un bienfait pour le parti, alors que c'est un méfait total. Mmh. Effectivement, on n'a pas besoin, quand on vote pour un parti, d'avoir un lien affectif avec ce parti. Tout à fait. Et justement, parce que le lien affectif suggère que tu peux attendre quelque chose de ce parti qui serait en quelque sorte l'impression que tu as des droits sur ce parti, tu vois. Ah ben oui, j'aimerais bien ma belle-mère si elle changeait de lunettes. Mmh. Ou je m'entendrais bien mieux avec mon mari s'il arrêtait de puer des pieds, quoi. Enfin, des choses comme ça. Et bien finalement, on a vis-à-vis du parti, quand on le constitue comme une impossibilité mythique, en fait une expression, l'expression d'un refus. Oui, parce que c'est ce que tu dis, parti mythique, c'est quoi, c'est finalement c'est le barème ou c'est le miroir du refus. Simplement, au fond, comme on ne dit pas directement le refus, et bien alors on dit pas qu'on dit le refus, mais on dit qu'il n'est pas ça. Oui, mais ce qui est pernicieux, c'est que finalement, on n'a pas du tout le même lien avec le Parti communiste qu'on a effectivement avec un autre parti politique. On n'a pas les mêmes exigences. Ah oui, mais c'est quand même curieux qu'avec le Parti communiste, on ait d'autres exigences. Pourquoi le Parti communiste, il devrait être tant de choses regarde les serpents de la démocratie dans le parti. Tout le monde sait que les autres partis ne sont pas démocratiques. Mais le parti, lui, il doit être démocratique. Il tout autant démocratique. Il fasse un chemin assez démocratique. C'est quand même curieux. Et alors c'est tout à fait important, parce que ce qu'il faut, c'est non pas recréer un mythe, C'est détruire le mythe, effectivement. Donc là, on a une stratégie tout à fait inverse. Oui, il faut détruire le mythe. Il faut démystifier et il faut détruire le mythe. Bon, mais ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est de voir justement comment le lien entre le parti, le PCF et les partis communistes, notamment dans les pays de l'Est, en Union soviétique, ont contribué à ce mythe. Ah ben ça, en grande partie, mais le parti, le PCF aussi, il a contribué à son propre... Oui, il a contribué à son propre mythe, c'est clair. Et toutes ces grandes figures intellectuelles et tout, effectivement... C'est-à-dire que d'entrée de jeu, mais ni à la création du Parti communiste, elle a été investie de passion, d'entrée. C'est-à-dire que la création du Parti communiste, ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait sereinement. D'entrée de jeu, le Parti communiste, il est né d'un traumatisme. Déjà, il est né du traumatisme entre les minoritaires et les majoritaires, entre ceux qui sont restés à la SFIO et ceux qui ont intérêt à l'International communiste. D'entrée de jeu. d'entrée de jeu, au moment du vote pour savoir si on devait adhérer à la troisième internationale, ça a été des discours d'une passion absolument irréfléchie. Tout de suite, d'un côté, on a crié à la trahison, mais pas ça, c'est-à-dire à la fin, à l'apocalypse, à la perte de l'homme. Ça, c'était les congressistes, mais autour aussi, c'était passionnel. Ouais, mais moi, le problème, c'est qu'à ce moment-là, ils sont en train de s'engouffrer dans un très mauvais chemin. Parce que regarde les questions de l'humain, finalement, elles sont complètement tendancieuses. C'est l'humain qui a formulé les questions, je te parle pas de l'étude en soi, je te parle de l'entretien que Nadeau donne à l'humanité. Commentant l'étude. Oui, en quelque sorte, c'est la présentation. C'est une sorte de synthèse et une conclusion de l'étude. Il y a l'humain qui pose la question suivante. Malgré ces différences, votre étude dégage une sorte d'affection immédiate de ces gens pour un parti communiste. Les enquêteurs de la Sofres l'ont-ils ressenti? Et là, Nadeau répond, oui, c'est vrai, mais pour être plus précis, ils ont surtout noté que, auprès de ces gens, le parti communiste bénéficie d'une caution d'affectivité. Au sens où l'affectif permet parfois de faire oublier certains aspects critiques. Ce qui est certain, c'est que chez ces interviewés, il n'est pas possible de parler du Parti communiste comme on parle des autres partis. Ah. Tu lis ça, tu dis ouais, c'est vachement chouette, parce que finalement le parti, et je suis sûre que c'est comme ça quand même que le comprend l'humanité. Alors c'est justement la lutte de l'interdit. C'est la manifestation de cet interdit idéologique que les gens ont intériorisé, mais qui est tout simplement le respect de la hiérarchie et de la domination de la domination des bourgeois sur la société. C'est la hiérarchie des patrons, c'est la hiérarchie. Si tu veux, si on va plus loin et si je pousse à l'extrême, c'est l'interdit divin. C'est-à-dire où l'interdit régicide. C'est exactement le même sentiment, en quelque sorte, qu'on devait peut-être, juste avant la Révolution, avoir envers ceux qui disaient qu'il fallait couper la tête du roi. Ouais, mais ça c'est mon idée, alors. Je vais prier de pas le faire très immédiatement. Tu verras, si c'est ton idée, mon petit chaton, c'est vrai que c'est ton idée, mais en tous les cas, je t'ai bien mis sur la voie de cette idée. En faisant quoi? Bah, on réécoutera la banque. Non. Donc effectivement, après il poursuit, le jugement porté sur le PC doit toujours prendre en compte cet aspect affectif qui tient en relation avec les militants, les élus, et qui aujourd'hui se doute d'une relation très proche et chaleureuse avec Robert Hue. Ces gens-là ne se sentent pas encore dans la famille, mais perçoivent une famille, et ils aiment cet aspect. Donc en fait, en plus c'est complètement... Oui. C'est complètement vieillot et dépassé de penser qu'un parti politique, c'est une famille. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on adhère à un parti politique, ou quand on vote pour un parti politique, on fait certainement pas partie de la famille. Non. D'autant plus, ce qui est tout à fait contradictoire aussi, c'est que finalement, ils demandent aux partis d'être totalement archaïques. C'est-à-dire qu'ils sont en totale opposition avec la société. Et en même temps, ils lui demandent d'être ultra-modernes. Désolé. On vit dans une société où la famille est en pleine dissolution. Pourquoi depuis longtemps, hein, en fait. En pleine dissolution. Donc il faudrait que le parti soit une sorte d'îlot de résistance. Où les relations sociales seraient protégées et de type familial, tout en étant très ouvert sur l'extérieur et d'une modernité absolue. Tu vois, on reproche tout aux partis en même temps. Il faut qu'ils soient tout. En fait, c'est toujours, et c'est comme je te dis, c'est en sens où je disais que c'était tautologique, c'est qu'au fond, les gens serait proche du parti, serait prêt à soutenir le parti, que le jour où le parti serait victorieux. Alors, dans la mesure où l'interdit aura été définitivement brisé parce que réellement, ce qui fondait l'interdit aura été écrasé. Alors dans ces cas-là, oui, on pourra avoir une relation moins passionnelle avec le parti, et dans ces cas-là, oui, les gens te trouveraient beaucoup moins de reproches à formuler au parti. Mais c'est en ce sens, voilà, c'est ce que je disais, en gros, il faut que le parti sera fort quand le parti sera fort. Ou ils sont... Ouais, puis il y a quelque chose d'autre aussi qui pose problème, c'est... Comment expliquez-vous cette image positive dans ce contexte de dénigrement de la politique? Donc c'est vrai qu'il postule que cette perception du parti est une perception positive, ce qui est très inquiétant. Mais là c'est le biais de l'étude qualitative, hein, effectivement. Parce que quand tu t'arrêtes à un certain niveau de discours, effectivement, tout paraît positif. Je vais reprendre un exemple tiré de l'expérience que j'ai eue ce matin sur les valeurs que doit véhiculer la cuisine italienne. Quelles images, finalement, pour parler de cuisine italienne, faudrait mettre en avant? La maman, la famille, le bruit, la fête, la campagne, etc. Bon, très bien. Et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il faut absolument tout faire, sauf ça. La maman, la famille, la fête, etc. Parce que c'est des images absolument révolues, qui n'évoquent rien, qui ne se rattachent à rien, qui sont les lieux communs tarte à la crème sur l'Italie, hein, et qu'on veut une Italie beaucoup plus moderne, actuelle, citadine, fine, raffinée, mais aussi, aussi active, hein, avec des personnes qui travaillent, qui sont fatiguées, qui font pas les pâtes elles-mêmes, mais qui à un moment achètent les butonnies sous vide, parce que ma foi... Parce qu'on n'a pas le temps d'en faire autrement, ouais, qu'elles sont bonnes, et puis ça va, quoi. Ouais. Et effectivement, là j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont arrêtés au seuil de la pensée. Mais non, ils ont pris le niveau du discours rationalisé et idéologique, qui est, comme tes pas, qui est un tissu de lieux communs. Mmh. Oui, tout à fait. Et si on essayait de répondre à ça? Tout à fait, on pourrait. Moi j'aimerais bien essayer de répondre. Ben, on pourrait tout à fait le faire. On peut tout à fait essayer de le faire. Et Mais ne serait-ce que pour nous, parce que finalement, enfin en tout cas pour moi, ce serait une manière assez facile de mieux comprendre le parti. Et peut-être ce qui peut signifier pour les gens et pour moi-même. Mais oui, et d'autant plus qu'à mon avis, tu peux aussi, c'est en réfléchissant sur soi aussi qu'on apprend des tas de choses, sur sa relation au parti. Moi je sais très bien les luttes qu'il a fallu que je mène en moi pour adhérer au parti. La lutte essentielle, c'est qu'il n'y avait pas de liberté de penser au parti. Discours très courant, et parmi les milieux étudiants, le plus répandu. Assez répandu. Qu'il n'y ait pas de liberté de penser au parti, et en gros j'allais me faire en doctrine. Quelle autre chose? C'est vrai que ça s'est effacé maintenant. Il faudrait que j'essaie de... De réfléchir pour faire remonter les idées, mais moins que les idées, les sentiments qu'il y avait à ce moment-là. Mais c'était pas aussi que tu avais l'impression que tu allais être contrôlé, un peu fliqué? Non, non, j'ai eu ce... Je crois pas avoir eu ce sentiment, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme problématique, comme problème? Sans doute y avait-il aussi cette idée que j'avais rien à y faire en partie. En quel sens? Que j'avais rien à dire de spécial. Que j'avais rien à dire de spécial, que je savais rien. Que les gens qui devaient être au parti, ça devait être des gens ultra balèzes. Non, ça c'était moi. Non, mais oui, mais alors, ça devait être des gens ultra balèzes. Et je me souviens de ma première réunion de cellule, où je m'attendais à des discussions hautement théoriques, hautement informées sur l'histoire, ultra rationalisée. Toi tu pensais surtout qu'il fallait avoir une très bonne connaissance des textes de Marx. Il fallait être marxiste. Oui, je pensais qu'il fallait être marxiste. Qu'il fallait bien connaître Marx. Je ne pourrais plus exactement décliner toutes les choses, mais... Le sentiment aussi que ça allait prendre vachement de temps. Ouais, tu n'as plus le temps. Ouais. Ça allait prendre vachement de temps. Et aussi, sans doute, la difficulté à assumer sa détermination de communiste. En tant que, à partir du moment où tu appartiens au Parti communiste et que tu le dis, tu portes une sacrée étiquette sur le dos. Hein. T'as une étiquette lourde à porter. D'ailleurs, regarde, cette étiquette me fait encore si peur que seul un certain nombre de personnes savent que je suis communiste. Et d'une façon générale, les simples relations que j'ai avec les personnes avec qui j'ai simplement des contacts assez peu intimes et autres, ne savent pas que je suis au Parti communiste. Même si, parce que je dis par mes propos et autres, ils pensent bien que politiquement ils arrivent à me situer. Mais pourquoi devraient-ils le savoir? Ah non, mais ça c'est autre chose. Moi je pense qu'ils n'ont pas besoin de le savoir, parce que précisément je pense que s'ils mettent l'étiquette sur toi, autant ils peuvent avoir une certaine sympathie pour ce que tu dis, tant qu'ils ne peuvent pas coller l'étiquette. Dès qu'ils peuvent coller l'étiquette, tout ce que tu pourras dire ne sera plus entendu. Et en quelque sorte, ça a toujours été, ne pas le dire, ça a toujours été aussi une sorte de stratégie de militant. C'est-à-dire, au fond, ne pas dire que tu es au Parti communiste permettait de dire précisément ce que disait le Parti communiste sans que les gens le rejettent. Parce que tu dis la même chose, tu dis exactement la même chose, tu dis pas que t'es communiste. Les gens discutent beaucoup, sont d'accord, sont pas d'accord, etc. Ça peut discuter, mais bon, ils veulent bien entendre. Si ça que t'es au Parti communiste et que tu dis la même chose, mais ça c'est le discours du parti. Alors on n'écoute plus rien, on discute plus rien du tout. C'est rejeté d'avance, c'est le discours du parti. Qu'ils n'identifient pas par rapport au discours. Qu'ils identifient parce qu'ils te savent au parti. Et c'est pas le contenu du discours, parce que le même discours, si tu n'es pas au parti, il ne l'identifie pas comme celui du parti. Il l'identifie bien comme étant un discours critique, de gauche et autre. Mais pas comme ils te disent pas, ah oui, ça c'est le discours du parti. Ou ils vont t'appeler Coco, ou alors regarde-moi le Coco et tout, mais ils te disent tout à fait amicalement en disant, ouais, bah celui-là, il est vraiment, il est vraiment à gauche, toi, mais justement, avec ce sentiment que, ouais, il a vraiment un discours Coco, mais bon, il est pas au parti, donc tu vois. Surtout le problème aussi auquel moi j'ai été confrontée quand j'ai dit à Yael par exemple que j'étais au parti. Enfin, d'abord je lui dis que toi tu étais au parti et que quelques mois plus tard je lui dis que moi aussi j'étais au parti. Finalement tant que je tenais le discours que je tenais après lui avoir dit qu'il n'avait pas changé d'un iota. Mmh. Finalement, qu'est-ce qu'elle me renvoyait à la gueule? Elle me disait, oui, mais de toute façon, c'est quand même une fameuse contradiction que tu sois parti. Et on ne voit pas comment le parti finalement veut de toi. Et c'est quoi ces bourgeois qui deviennent communistes? Finalement, elle avait l'impression, au-delà du discours, qui n'avait pas changé, que c'était c'est une manière de s'appauvrir et de ne pas reconnaître ce qu'on était. Mmh. Un refus de se considérer comme... Oh ben ouais. Comme je sais pas d'ailleurs bien quoi. Ouais. Mais ça c'est aussi lié au mythe du parti, hein. Moi je comprends très bien sa position parce que j'ai longtemps partagé cette position. Oui, je sais très bien. Donc c'est pas une idée très originale. Mais finalement assez peu encourageante pour dire ça à son appartenance. Maintenant, rares sont les gens que je connais qui appartiennent à notre parti qui viennent dire qu'ils sont dans tel ou tel parti. Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'à divers échelons, ça pose des problèmes d'être membre d'un parti politique comme aujourd'hui. Mmh. Oui, quel qu'il soit d'ailleurs. Quel qu'il soit. Ah, le parti communiste encore plus, parce que précisément, oui. Il est toujours perçu d'une façon tout à fait spécifique. Je dirais assez irrationnel. Ouais. Mais l'image du militant, que tu sois militant RPR ou militant socialiste ou militant communiste, l'image du militant. Et puis tout de suite, on a des soupçons. On a des soupçons, justement. Parce que c'est plus toi qui penses. Voilà, il y a plus. C'est plus toi qui penses, t'as perdu ta liberté de penser, t'as été endoctriné, et ce que tu répètes, il ne cesse de répéter que le discours du parti. T'as plus ton jugement propre parce que tu fais partie d'un parti. Alors, avant, qu'est-ce que tu aurais aimé voir changer dans le parti? Je veux dire, quelles sont les conditions que tu aurais pu formuler pour prendre ta carte? Bon. Que tu aurais pu ou que tu as formulé? Non, mais finalement, moi, j'ai jamais eu ce... En fait, je dis qu'il y a des résistances, elles n'ont pas duré très longtemps, les résistances. Au fond, avant, j'ai jamais pensé, pendant longtemps, j'avais pensé à aller au Parti communiste. Et pendant longtemps, tu ne disais pas communiste? Non, pendant longtemps, je ne disais pas communiste, et pendant longtemps, j'ai pas pensé. Disons que j'ai pas vécu d'interdit dans la mesure où, de manière, j'ai jamais formulé en moi-même l'idée d'adhérer au Parti communiste. Bon, il y avait le Parti communiste, il y avait d'autres partis. D'ailleurs, j'avais pas spécialement de problème avec le Parti communiste. Quoi. Je votais pour le Parti communiste. Mais je ne m'étais pas mis l'idée d'appartenir au Parti communiste. Donc, j'avais pas spécialement de problème avec le Parti communiste. Non, là où les problèmes sont apparus, c'est le jour où j'ai commencé. En fait, c'est quand j'ai commencé à lire Marx et Lénine. Et qu'il m'a paru évident dans la mesure où j'adhérais de plus en plus à cette théorie, qu'on ne pouvait pas, très vite ça m'a paru ainsi, qu'on ne pouvait pas adhérer à cette théorie sans adhérer au parti. C'est-à-dire que pour moi, cette théorie, très vite, j'en ai saisi la portée révolutionnaire, mais pas seulement la portée révolutionnaire, en tant qu'elle est pratique, quoi. C'est-à-dire que cette pensée, précisément, ce qui était nouveauté, ce qui est sa nouveauté et ce qui me séduisait, et ce pourquoi aussi j'adhérais, c'est que précisément il y avait un renversement de la philosophie, et que c'était une théorie qui tendait vers le pratique. Mais qu'on ne pouvait pas être marxiste sans avoir une pratique. Et la résistance, finalement, elle a été de... Enfin, je me souviens avoir résisté peut-être pendant 3, 4 mois, 5 mois peut-être. 3 mois. Enfin, allez, 4, oui, 4 mois, disons, pas plus. Entre le moment où j'ai commencé à lire Lénine, Marx, et le moment où j'adhère au Parti communiste. Et à part le moment où, j'ai formulé, je me suis dit, ah oui, peut-être que le parti, il est ceci, il est cela. Au fond, je me dis, oui, mais dans ces cas-là, alors ce qu'il faut, c'est le changer, mais donc il faut, tu ne peux pas lui reprocher, il faut t'impliquer et le changer de l'intérieur. C'est-à-dire, tu ne peux pas lui faire des reproches, c'est-à-dire qu'il ne changera pas si toi, tu ne le changes pas conformément à ce que tu veux qu'il soit. Donc en fait, si j'ai eu des critiques avec une partie, ça a été un moteur aussi pour y adhérer. Oui, mais la différence de ces gens qui ont été rencontrés, finalement, de ce fameux électorat potentiel, c'est que, et l'un et l'autre, on a toujours voté pour le parti. Ah ouais. Moi, j'ai voté écolo, je me souviens une fois aux élections. Ah oui, sauf que t'as une période où t'as pas voté. Ouais, moi j'ai une période où j'ai pas voté. Et après, je me souviens, il y avait des élections, je sais plus, législative et régionale, j'ai dû voter pour législative communiste et régionale, écolo, un truc comme ça. C'est une des rares fois où j'ai pas voté si, puis après j'ai voté socialiste pour les présidentielles au deuxième tour. Oui, oui.